L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le fait que l'expansion de l'univers a commencé à accélérer il y a 7 milliards d'années est quelque chose d'accepté dans le modèle cosmologique standard actuel. Même si ce qui a causé cette accélération reste aujourd'hui un peu un mystère. Même l'expression énergie noire couvre en fait plusieurs possibilités. Et pour trier parmi celles-ci, nous avons besoin de plus d'informations. Comme par exemple de savoir si cette énergie noire est constante, ou bien si elle varie au cours du temps. Jusqu'à présent, les astrophysiciens ont toujours été limités par le fait que la plupart des observations concernaient soit l'univers assez proche, avec un redshift de proche de 1, là où les supernovae et les galaxies sont facilement observables, ou au contraire, l'univers très lointain, avec un Z proche de 1000, avec le rayonnement fossile du fond diffus cosmologique. Mais aujourd'hui, un programme observationnel permet de combler en partie ce trou temporel. Le Baryon Oscillation Spectroscopic Survey, BOSS, permet de mesurer l'expansion cosmique à des redshifts de 2,3, correspondant à une remontée dans le temps de 10 milliards d'années, soit avant même le début de l'accélération de cette expansion. Ces observations confirment bien sûr l'existence d'un terme d'énergie noire, mais chose beaucoup plus intéressante, elles montrent que celle-ci n'a pas varié dans les derniers 10 milliards d'années. Cette énergie noire reste donc cohérente avec une nature de type constante cosmologique à la Einstein, alors que cela aurait pu ne pas être le cas. La collaboration BOSS enregistre les spectres de presque 2 millions de galaxies et de 150 000 quasars, grâce au télescope de 2,50 m du Sloan Digital Sky Survey, situé à l'observatoire Apache Point au Nouveau-Mexique. Leur objectif est de déterminer la distribution de la matière à travers plus de la moitié de l'univers observable. Cette distribution, qui n'apparaît pas aléatoire, fournit de précieux renseignements non seulement sur l'énergie noire, mais aussi sur la distribution de matière noire et sur les effets de la gravitation. Depuis sa mise en évidence en 1998 par l'observation des supernovae, l'accélération de l'expansion n'a eu de cesse d'être investiguée pour essayer d'en déterminer l'origine. Parmi les premiers paramètres utilisables se trouve ce qu'on appelle les oscillations acoustiques baryoniques, qui sont des sortes d'ondes acoustiques se déplaçant très vite dans l'univers très jeune et très dense, et qui se retrouvent maintenant comme figées dès lors que la matière n'était plus assez dense pour leur propagation, à partir de 300 000 ans après le Big Bang. Ces oscillations acoustiques se traduisent aujourd'hui par des variations de densité de matière caractéristiques, qui sont visibles au niveau des distributions des galaxies, qui conservent ainsi l'empreinte des fluctuations primordiales de densité. Depuis une dizaine d'années, de nombreux programmes de recherche de galaxies ultra lointaines ont vu le jour, et tous parviennent à voir l'échelle des oscillations acoustiques baryoniques dans les distributions des galaxies. C'est grâce à ces mesures que l'accélération de l'expansion a pu être confirmée sans faire appel aux supernovae. L'apport du programme BOSS vient de sa prise en compte de quasars très lointains. L'équipe a utilisé ces quasars comme des lampes torches projetées vers nous pour étudier la distribution d'hydrogène qui se trouve entre les galaxies. En quelque sorte, en étudiant l'ombre qu'il produit, par l'absorption de la lumière des quasars d'arrière-plan. C'est la première fois qu'une mesure de l'hydrogène par cette méthode est utilisée pour mesurer les oscillations acoustiques baryoniques. Et c'est cette technique qui a ainsi permis de trouver les taux d'expansion les plus anciens. D'après les résultats de BOSS, l'énergie noire est donc constante dans le temps. C'est finalement la théorie la plus simple qu'on pouvait imaginer qui semble se révéler la bonne. Mais désormais, la balle est plutôt dans le camp des théoriciens. En effet, alors que les techniques observationnelles peuvent toujours être améliorées, et d'ailleurs on sait comment faire, en revanche, trouver la bonne théorie qui explique ce qu'est vraiment ce qu'on appelle par défaut énergie noire, ça c'est une autre affaire. Mais au moins, on a éliminé déjà pas mal de pistes. À très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselahaut.fr. Vous retrouvez ce podcast sur la plateforme PodCloud, évidemment, et ainsi que sur la plateforme iTunes. Vous pouvez vous abonner, télécharger et compagnie, etc., etc., etc., pour écouter Ça se passe là-haut n'importe où, n'importe quand. Allez, salut! Restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre!